Aujourd'hui c'est mort comme les Migos, aujourd'hui je suis haut comme Helico. Aujourd'hui c'est mort comme les Migos, Champions League, pas de match amico. Hier tu m'as tourné le dos, aujourd'hui tu me dis I miss you bad. Tous tes problèmes c'est plus mon dos, tu verras plus jamais mon bed. Sale relation, y'a plus d'issue. J'ai cherché la solution mais y'a plus d'issue. Calvin Klein sur le tissu, c'est plus pour ton petit cul que je paie l'addition. Aujourd'hui c'est mort comme les Migos, aujourd'hui je suis haut comme Helico. Aujourd'hui c'est mort comme les Migos, Champions League, pas de match amico. Et t'as vu que le temps passe et personne ne me remplace, mais y'a plus de story. Je veux plus qu'on s'explique, pas que tu lances des pics, j'ai pas vu ta story. Le bénéfice est dans la jojo, j'en fais du lustre sur du jaja. Toujours un beat pour ma cage, j'connais jaja, j'connais jaja. Le bénéfice est dans la jojo, j'en fais du lustre sur du jaja. Toujours un beat pour ma cage, j'connais jaja, j'connais jaja. Yeah. Plus de l'ova, tout est over dans la gova, c'est une autre go qui fume mon pétou. Plus de l'ova, tout est over dans la gova, c'est un autre gars qui touche ton pétard. Ah, j'ai mis les plans far, ouais. T'étais ma gaussure, maintenant j'suis fort, ouais. J'les aurais shooté for you, maintenant j'en ai plus de balles. Aujourd'hui for c'est mort comme les Migos, aujourd'hui j'suis haut comme Helico. Aujourd'hui c'est mort comme les Migos, Champions League, pas de match amico. Et t'as vu que le temps passe et personne me remplace, mais y'a plus de story. J'veux plus qu'on s'explique, pas que tu lances des pics, j'ai pas vu ta story. Le bénéfice est dans le jaja, j'en fais du lustre sur du jaja. Toujours un beat pour ma tâche, j'connais jaja, j'connais jaja. Le bénéfice est dans le jaja, j'en fais du lustre sur du jaja. Toujours un beat pour ma tâche, j'connais jaja, j'connais jaja. Oh, toi tu dis que t'es sorry, tu m'as laissé dans le noir maintenant.